Angela Rohr, L'exil éternel, est sous-titré « J'étais médecin au goulag ». C'est paru aux éditions Les Arènes, qui nous dit, hein, sur la couverture, un chef-d'œuvre tiré de l'oubli, effectivement, pendant plus de 30 ans. Les pages saisissantes de ce livre ont reposé dans un tiroir. Il a fallu attendre 1989, donc c'est pas hasard, hein, 89, chute du mur, pour voir ce récit imprimé par une petite maison d'édition autrichienne à titre posthume, issue de l'aristocratie autrichienne. Angela Rohr parcourt l'Europe du début du XXe siècle et fréquente les milieux littéraires, scientifiques, politiques. Elle rejoint son mari en URSS et finit dans les camps. J'étais médecin. Vous connaissez ce livre, l'existence de ce livre? Vous connaissiez? Oui, c'est aussi une bolchevique. Une bolchevique qui cherche refuge en URSS et qui, pour récompense, reçoit le goulag. Avec son récit au scalpel. Des récits comme celui d'Angela Rohr, vous en avez aujourd'hui quelques centaines qui ressortent. D'accord. Tous très intéressants parce que chacun a eu une expérience différente. Là, c'est celle d'une femme médecin. Alors, je n'ai pas eu le temps de lire le livre, autant être honnête avec les auditeurs, il m'est arrivé avant-hier, voilà, j'ai pas eu le temps, mais apparemment si cette page de l'histoire vous intéresse, je pense qu'on peut conseiller aux auditeurs de le lire. Très bien, merci infiniment Georges Niva, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Sol Jelitsyn, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles pour toute information complémentaire à notre émission livre, référence et vos commentaires si le cœur vous en dit. Merci à Ludovic Asselot qui était à la technique aujourd'hui et merci à toute l'équipe d'Affaires Sensibles qui a préparé les émissions de cette semaine. Recherche et rédaction, Margot Pinel, Adrien Cara, Adrien Mora et Simon Mézanob. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Jérôme Boulet. Voilà, il est 16h, vous écoutez France Inter.